Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Voici une série qui va vous accompagner tous les samedis et les dimanches de l'été. L'idée, faire raconter à des chercheurs emblématiques leur sujet, ou plutôt l'histoire de leur sujet, quel a été le chemin, parfois long et semé d'embûches, qui a mené leur discipline au niveau où elle est aujourd'hui. Tous les scientifiques que j'avais pressentis ont accepté avec enthousiasme. Ce n'était pourtant pas évident de transformer un grand chercheur en narrateur. Aujourd'hui et demain, il va être question de génétique, avec le plus célèbre des généticiens français, Axel Kahn. On connaît Axel Kahn pour ses recherches sur la thérapie génique, mais aussi pour son art de la vulgarisation et ses prises de position éthique. Il a beaucoup travaillé au sein du Comité consultatif national d'éthique. Épisode 1, donc, de cette série de l'été, la génétique, la science de l'hérédité. Les aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. On savait, sans doute depuis que l'homme s'est réuni et s'est développé en communauté, que les chiens ne font pas les chats et que les enfants ont des traits qui ressemblent à ceux de leur père ou de leur mère. Mais on ne savait pas du tout comment cela se passait. Il y a eu énormément de théories très fantaisistes. Je vais me focaliser sur trois de ces théories. Pour arriver à reproduire une forme, la première idée qui peut venir à l'esprit, c'est l'image. Moi, je vous vois, et donc je vois votre forme. Imaginons que je transforme ces particules d'information, des stigmates de votre forme, et que je m'en serve lorsque je fais des enfants, alors je ferai des enfants qui vous ressemblent. Ça, c'est une première théorie. Alors, elle est parfois drôlatique. En particulier, une femme a un enfant qui est noir alors que son mari est blanc et elle-même est blanche. Et Hippocrate dit que, sans doute, c'est qu'au moment fatidique, elle regardait un portrait très beau d'un Éthiopien noir. On prétend également que, voulant séparer les troupeaux en deux parties, Jacob, qui avait des agneaux blancs, leur fit voir des bâtonnets noirs et ainsi, la génération suivante, les petits agneaux devinrent noirs. Donc ça, c'est une première idée. Une autre anecdote qui est tout à fait amusante est la suivante. Un homme était fort laid, mais fort épris de sa femme, et il désirait que sa femme eût des enfants beaux. Alors, au moment où il faisait tout son possible pour la féconder, il faisait en sorte qu'elle puisse regarder, là au pied du lit, le portrait d'un Bélade, d'un homme absolument magnifique. Et il paraît que cela marcha, que l'enfant fut très beau. Alors, certains prétendront qu'il y a d'autres hypothèses que l'on peut formuler. Mais moi, je resterai à celle-là, les images, les stigmates. Alors ça, c'était la première idée, il y en avait d'autres, tout oui, aussi farfelues. Oui, absolument. Il y a deux autres idées. La deuxième, je vais rester un peu plus longtemps parce qu'elle est importante dans l'histoire de la génétique. Pour reproduire une forme, une idée qui vient à l'esprit, c'est celle du moule. On moule la génération suivante. Alors, où est le moule? Il y a eu plusieurs hypothèses. La première hypothèse date de 1641, lorsque Régnier de Graaf observe sur les ovaires de lapine ce qu'il considère être des œufs, comme les œufs de poule, mais les œufs de lapine. Et comme dans l'œuf de poule, il y a le poulet, eh bien dans l'œuf, là, il doit y avoir le petit lapin. Et comme ce doit être vrai chez tous les mammifères, chez les humains, il considère que c'est là, dans ces œufs féminins, que la future génération est moulée. C'est ce que l'on va appeler l'ovisme. Ensuite, quelques années après, en 1677, Anthony von Leeuwenhoek regarde le résidu d'un coït entre un homme et une femme. Il s'en excuse parce que ça n'est pas très convenable, mais il explique que c'était pour la bonne cause, naturellement, dans le but d'avoir un enfant. Et il observe, figurez-vous, des animalcules. c'est-à-dire des espèces de petits flagellés, ce sont les spermatozoïdes. Qui sont donc découverts au XVIIe siècle. Qui sont donc découverts au XVIIe siècle. Et en regardant les petits spermatozoïdes, il voit dans la tête, en regardant bien bien, un petit bonhomme qui est tout recroquevillé, l'homoncule. La tête de l'animalcule contient un homoncule. Donc ici, qui va s'opposer à l'ovisme, c'est le spermisme. C'est dans le sperme qu'il y a le petit homme. Alors vous voyez bien, il y a une notion ici d'emboîtement. C'est-à-dire, dans le petit homme ou la petite femme qui est dans les ovules ou bien dans les spermatozoïdes, il y a également, naturellement, des spermatozoïdes, des ovules qui contiennent, etc., etc. Donc toute la suite des hommes, de toutes les générations, se trouve là. Et on comprend bien que la forme se reproduise. C'est naturel. Alors, en réalité, c'est au XIXe siècle qu'on va voir que ça n'est pas possible. Parce qu'au XIXe siècle, on se rend compte que l'embryon se développe. Il n'est pas préformé. Il n'y a pas de préformation. Et ça, celui qui découvre ça, c'est Karl von Baer, qui découvre également les ovules. Et il détruit la notion de préformation. Je vais terminer mon histoire en racontant, in fine, comment on a trouvé quel était le vrai rôle des spermatozoïdes. La première histoire qui est très très belle, naturellement, moi je me rappelle dans mon enfance avoir vu cet abbé, vous savez, c'est l'abbé Lazzaro Spallanzani. Pour être absolument certain que les mâles grenouilles fécondaient les œufs de grenouilles, il avait bien vu ce qu'ils faisaient, ils émettaient leur sperme, eh bien, il les habillait avec des caleçons étanches. Et habillé avec des caleçons étanches, c'est le préservatif, c'est l'invention du préservatif naturellement. Habillé avec ces caleçons étanches, ces grenouilles mâles ont cessé de féconder les œufs. Une cinquantaine d'années après, c'est un Français, Jean-Louis Prévost et Dumas, qui vont découvrir quelque chose d'extrêmement important, c'est que dans cette liqueur séminale, qui est fécondante, qui n'est pas émise lorsque les grenouilles ont un slip, eh bien, ce sont les spermatozoïdes qui sont fécondants. Et donc là, l'affaire, si vous voulez, est dite. Les spermatozoïdes jouent un rôle avec les ovules, et il y a bien deux formes de contribution, paternelle et maternelle. On peut maintenant ouvrir la porte à la vision moderne. Et puis, il y avait une troisième idée. Oui, une troisième idée, elle est intéressante. Cette troisième idée est la suivante. Probablement, pour former la liqueur, la semence masculine et féminine, maintenant on sait qu'il y a une semence masculine et féminine, eh bien, tous les organes du corps vont émettre des particules, Darwin appellera ça des gémules, qui vont se réunir et produire un nouveau corps. Alors on voit bien, si les semences viennent de toutes les parties du corps, c'est bien normal que, après s'être réunies, elles engendrent un corps qui ressemblera au corps des géniteurs. C'est normal. Alors, ce qui est fantastique dans l'affaire de cette troisième hypothèse qu'on appelle la pangénèse, c'est que elle persiste inchangée sur 23 siècles. Diogène d'Apollini, en -425, à cette thèse, et ça reste la thèse du grand Charles Darwin. Charles Darwin ne connaît rien à la génétique, ne connaîtra jamais rien à la génétique, et pour lui, c'est la pangénèse. Parmi toutes ces hypothèses, l'image, la préformation et la pangénèse, il y en a au moins deux, la première, l'image et la pangénèse, qui expliquent ce dont tout le monde était persuadé, c'est-à-dire l'hérédité des caractères acquis. Effectivement, quand moi je vois un cul de jatte, ou bien quand je vois quelqu'un à qui il manque un bras, c'est l'image que j'en garde. Et si cette image devient fécondante, eh ben je féconderai quelqu'un qui sera cul de jatte ou qui sera sans bras. De la même manière, la pangénèse, si mon sperme, si la semence féminine est fabriquée à partir de particules qui viennent de toutes les parties du corps, eh ben, il vient pas de particules des jambes ou bien du bras manquant. Et donc, il y aura une hérédité des caractères acquis. Ce qui est fantastique, c'est que, évidemment, ça n'existe pas. Mais sur des millénaires, les gens sont dans leur immense majorité persuadés que les caractères acquis sont héréditaires et ça persistera très longtemps encore jusqu'au XXe siècle. Et pourquoi les gens n'étaient-ils pas prêts à accepter d'autres idées ? Il faut, pour accepter les idées, je crois, que les esprits soient formés. Il y a une notion qui est religieuse extrêmement intéressante. L'idée que, à chaque fois qu'il y a fécondation, les dés sont rebattus en quelque sorte, est un peu compliquée à concevoir pour une raison religieuse. C'est que, on se le rappelle, dans le jardin d'Éden, il y a eu le péché originel. Et tous les enfants qui vont naître vont malheureusement hériter du péché originel. Et donc il faut bien qu'il y ait une sorte de continuité entre les êtres. De ce point de vue-là, l'emboîtement permet très bien de retrouver l'idée du péché originel, etc., etc. Alors que si à chaque fois tout se reforme, comment revient dans chaque nouvel être le péché originel? Ça, c'est l'un des éléments, si vous voulez, qui peut expliquer cette totale cécité. Alors, vous vous demandez peut-être, c'est une belle expérience également, il faut que je la raconte, comment on est arrivé à démontrer que, c'est évident, mais on ne le voyait pas, les caractères acquis, tout compte fait, ne sont pas héréditaires. Eh bien, il faut attendre 1892 et August Weismann. August Weismann fait une expérience et en tire une conclusion. Il a d'abord tiré la conclusion, d'ailleurs, il l'a confirmée par l'expérience. L'expérience, elle est simple. Il coupe la queue de petites souris sur 5 générations. Eh bien, figurez-vous, madame, à la 5e génération, les souriceaux naissent avec une queue. Et par conséquent, ça prouve que les caractères héréditaires sont héréditaires, mais que les caractères acquis ne le sont pas. Et c'est lui qui indique, eh bien voilà, dans un homme, il y a deux types de cellules. Les cellules somatiques et les cellules germinales. Ce concept est très très important. Les cellules somatiques, ce sont les cellules de notre corps. Elles sont mortelles. Mais les cellules germinales, ce sont elles qui vont transmettre l'hérédité, qui vont transmettre quelque chose à travers les générations. Et en cela, elles sont immortelles. Il y a un lignage immortel, le germène, la lignée germinale, et un lignage qui est mortel, qui est le lignage somatique. August Weismann, 1892. Et en 1966, Dr Jekyll et Mr Hyde, Serge Gainsbourg. Je ne suis pas le Dr Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr Hyde. Dr Jekyll, il avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins. Je vous dis que je ne suis pas le Dr Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. De Dr. Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll un jour a compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du Dr. Jekyll. Pourquoi avons-nous une peau foncée, des yeux bleus? Pourquoi sommes-nous grands ou petits? Qui sont nos lointains ancêtres? À la fin du 19e siècle, des scientifiques aux pensées révolutionnaires bouleversent nos représentations à jamais. Axel Kahn, généticien, est passionné par cette histoire. 1892, on est à la toute fin du 19e siècle. Et au tout début du 19e siècle, Jean-Baptiste Lamarck, et puis au milieu du 19e siècle, Charles Darwin, ont publié leurs travaux, déjà. Et tous les deux, c'est une autre révolution. Une révolution considérable. La plus importante révolution conceptuelle de toute l'histoire de la biologie. En effet, quand on regarde le monde, on constate que tout est très bien adapté à son usage. Les oiseaux ont des ailes pour voler, on a des yeux pour voir, tout est fantastique. Pour que tout fonctionne aussi bien, quelle est la première idée? Eh ben, qu'il y ait eu un grand horloger, un dieu, qu'il l'ait façonné pour que ça fonctionne. Ça tombe bien, tout le monde est croyant. Ce que nous disent d'abord Jean-Baptiste Lamarck autour de 1800, et puis dans son premier grand ouvrage en 1859, Charles Darwin, c'est que pas du tout. En réalité, toutes les espèces dérivent les unes des autres par deux mécanismes différents selon Jean-Baptiste Lamarck et selon Darwin. D'après Lamarck, c'est l'usage et la désuétude. Les organes dont on se sert, eh bien, deviennent hypertrophiés, se développent, alors que ceux dont on ne se sert pas, eux, vont dépérir. Un exemple, la girafe. La girafe a un grand cou. Parce que, tout simplement, jadis, les girafes avec un petit cou aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup les feuilles tendres au sommet des arbres. Alors, à force de se déhancher le cou a grandi et maintenant les girafes ont un grand cou. Darwin dit non, pas du tout. Le mécanisme de la transformation des espèces, c'est la sélection naturelle. L'origine des espèces de Charles Darwin, publié en 1859, lu par Georges Claes. La sélection naturelle agit exclusivement au moyen de la conservation et de l'accumulation des variations qui sont utiles à chaque individu dans les conditions organiques et inorganiques où il peut se trouver placé à toutes les périodes de la vie. Chaque être, et c'est là le but final du progrès, tend à se perfectionner de plus en plus relativement à ses conditions. Ce perfectionnement conduit inévitablement au progrès de l'organisation du plus grand nombre des êtres vivants dans le monde entier. Mais, pourra-t-on dire, si tous les êtres organisés tendent ainsi à s'élever dans l'échelle, comment se fait-il qu'une foule de formes inférieures existent encore dans le monde? Comment se fait-il qu'il y ait dans chaque grande classe des formes beaucoup plus développées que certaines autres? Pourquoi les formes les plus perfectionnées n'ont-elles pas partout supplanté et exterminé les formes inférieures? Lamarck, qui croyait à une tendance innée et fatale de tous les êtres organisés vers la perfection, semble avoir si bien pressenti cette difficulté qu'il a été conduit à supposer que des formes simples et nouvelles sont constamment produites par la génération spontanée. La science n'a pas encore prouvé le bien fondé de cette doctrine. En effet, la sélection naturelle ne comporte pas nécessairement un développement progressif. Elle s'empare seulement des variations qui se présentent et qui sont utiles à chaque individu dans les rapports complexes de son existence. Si cet avantage n'existe pas, la sélection naturelle n'améliore que fort peu ses formes et elle les laisse pendant des périodes infinies dans leurs conditions inférieures actuelles. En permanence, il y a des espèces différentes, une variation dans la vie, et donc il existe des girafes dont le cou est soit très petit, soit très grand. Et comme les girafes mangent beaucoup les feuilles au sommet des arbres, eh bien les girafes au grand cou sont avantagées, et elles font des enfants. Et parmi leurs enfants, ceux qui ont un grand cou sont également avantagés, et font des enfants. Et par ce mécanisme de la sélection naturelle, par le moyen de la lutte pour la vie, eh bien, les girafes finissent par avoir un grand cou. Donc, les deux rompent totalement avec le fixisme des espèces, qui est une des bases du créationnisme. Et vous voyez pourquoi c'est une révolution énorme, absolument considérable. Ils nous disent, pour que quelque chose marche bien, fonctionne parfaitement, eh ben, il n'est pas nécessaire que quelqu'un a voulu qu'il en soit ainsi. Cela peut se faire par adaptation successive, par l'usage et la désuétude selon Lamarck, ou bien par la sélection naturelle selon Darwin. Alors, l'histoire a tranché. C'est Darwin qui, pour l'essentiel, pas totalement, c'est Darwin qui, pour l'essentiel, a raison. Et donc, à la fin du 19e siècle, le monde scientifique est darwinien. Et pour le meilleur, pour le pire. Parce que pour le meilleur, eh ben, c'est la science moderne. Pour le pire, c'est l'eugénisme, c'est le darwinisme social, inégalitaire, élitiste. À la limite, on peut définir le nazisme du XXe siècle comme un fascisme qui se revendique des bases biologiques darwiniennes. Et donc, Darwin n'y est strictement pour rien. évidemment. Mais on peut faire jouer à la sélection naturelle un rôle extraordinairement inégalitaire. Cette révolution est très importante car elle nous dit autre chose. Si tous les êtres qui vivent sur Terre, le brin d'herbe, la bactérie, l'éléphant, l'oiseau, nous, dérivent d'une même forme de vie par ces mécanismes de l'évolution, alors il faut en déduire quelque chose. C'est que les mécanismes du vivant sont universels, puisque ce sont les mécanismes du vivant tels qu'ils existaient auparavant dans l'ancêtre commun à toutes les formes de vie. C'est le début du génie génétique et de la biologie moléculaire moderne. L'apport de Johann Gregor Mendel, je dis Johann Gregor parce qu'en réalité c'est Johann Mendel. Gregor, c'est son nom de moine, son nom religieux. L'apport de Johann Gregor Mendel est absolument considérable, c'est le vrai père de la génétique moderne. Ce qu'a fait Johann Gregor Mendel, c'est qu'il a mis des chiffres de l'observation de la science sur un phénomène qui était observé. De quel phénomène s'agit-il ? Il s'agit de l'hybridation. Depuis le début du 19e siècle, les botanistes, les cultivateurs, avaient pris l'habitude, pour essayer d'avoir de meilleures variétés, de croiser des variétés entre elles. Et parfois même des espèces animales entre elles. On connaît le mulet. C'est ça que l'on appelle l'hybridation. On voyait bien qu'il y avait des choses singulières. À la première, deuxième génération de ces hybrides, les descendants n'avaient pas exactement les mêmes caractères. Parfois, des caractères nouveaux apparaissaient et on ne savait pas comment cela pouvait fonctionner. Mais le phénomène avait été observé. Et Mendel va dire ce qu'est la nature et sa formalisation mathématique qui est à la base de ces observations des botanistes du 19e sur l'hybridation. Comment l'histoire commence-t-elle ? Johann Gregor Mendel ne peut pas poursuivre ses études. Il est intéressé, il a un esprit mathématique, il a étudié des mathématiques. Il est très intéressé par les sciences naturelles. Et pour pouvoir continuer ses études, et aussi, tout de même, il a la foi, il cherche à être moine dans un très célèbre monastère qui est un haut lieu de vie, certes spirituel, mais en réalité surtout scientifique, culturel et scientifique. C'est le monastère Saint-Thomas à Brune en allemand, ou Brno aujourd'hui, comme nous le disons nous. Le père supérieur veut des moines croyants, c'est bien le moins, mais il veut aussi des moines savants. Et donc, le monastère va permettre à Johann, maintenant Gregor, nom de moine, Mendel, de poursuivre ses études. Et il deviendra même professeur, et il enseignera grâce au monastère, et de poursuivre ses travaux. Et il choisit de travailler sur des végétaux qui sont les pois, les petits pois, vous savez, et regarder comment se distribuent les caractères. Alors là, je vais vous expliquer un peu les expériences très rapidement, qui débouchent sur les trois lois de Mendel. Ces trois lois de Mendel, eh ben, évidemment, ce sont les tables de la loi de la génétique. Il prend au départ des pois qui sont lisses et des pois qui sont ridés. On les hybride, tout simplement, en mettant le pollen d'un pois lisse dans le réceptacle, dans la fleur femelle d'un pois ridé. À la première génération, F1, tous les pois sont lisses. Et cela donne la première loi de Mendel, la loi d'uniformité des hybrides de première génération. Pour quelle raison ? C'est que les espèces parentales sont lisses et ils ont le caractère lisse en deux exemplaires, lisse-lisse. L'hybride, il est L et R, mais le caractère lisse l'emporte sur le caractère R. Le caractère lisse est dominant. Et par conséquent, ces hybrides de première génération sont tous lisses. Maintenant, vous prenez, comme parents, des hybrides de première génération, vous les croisez les uns avec les autres. Et alors, vous observez quelque chose qui est différent. En comptant, il faut en faire un grand nombre, en comptant, vous voyez que 75% des hybrides de deuxième génération, F2, sont lisses et 25% sont ridés. Le caractère ridé est réapparu. Cela donne la deuxième loi, qui est la loi de disjonction des allèles. Les allèles, aujourd'hui, c'est les formes différentes d'un même gène. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que, évidemment, les êtres vivants ont plusieurs caractères. C'est vrai des pois. Les pois ont les petits pois, lisses ou ridés, mais ils ont des fleurs aussi. Et donc, Mendel va s'intéresser également aux fleurs. Les fleurs peuvent être rouges ou bien jaunes. Et comme lisse est dominant sur ridé, la couleur rouge est dominante sur la couleur jaune. Et donc, ils croisent ensemble des pois de cette sorte. Et ils constatent une grande diversité de répartition qui est liée au fait que les deux caractères, lisse et ridé, couple de caractères, et rouge et jaune, eh bien, s'égrègent de manière totalement indépendante. Et ça, ça s'appelle la loi d'indépendance des caractères. Alors, comment Mendel interprète-t-il cela ? Il dit, eh bien, voilà, les lois de l'hybridation sont liées à l'obéissance à des lois mathématiques extrêmement formelles, strictes, qui expliquent, sur une base statistique extrêmement facile à comprendre, la transmission de particules matérielles qu'il appelle les facteurs héréditaires. Mais évidemment, il ne sait rien de l'endroit où se trouvent les facteurs héréditaires, ni de la substance à laquelle correspondent ces facteurs héréditaires. Alors, on a dit souvent, les travaux de Gregor Mendel n'ont eu aucun écho. C'est pas tout à fait vrai. En réalité, ces travaux ont été considérés dans le milieu des botanistes qui faisaient de l'hybridation, mais ils n'en ont pas perçu le caractère révolutionnaire. Ils ne l'ont pas perçu parce qu'on n'était pas prêt en botanique à utiliser la formalisation mathématique. Et ça n'est que un peu plus d'une trentaine d'années après que ces lois de Mendel vont être spontanément et simultanément redécouvertes par trois équipes européennes qui sont dirigées par Hugo de Vries, Karl Korens et Erich von Tschermak, presque en même temps. Et rapidement, le premier, Hugo de Vries notamment, va constater que ces lois qu'il a redécouvertes sont les mêmes que celles de Mendel. Il va republier les travaux de Mendel, qui est vraiment le père incontesté de la génétique. 1er janvier 1973, France Culture, le biologiste Jean Rostand. Mendel est un initiateur, un créateur extraordinaire. Il a fondé la science de l'hérédité. Tout ce qu'il a écrit reste encore actuel. Toute la génétique d'aujourd'hui est contenue dans ces 30 pages. Si Mendel n'avait pas existé, rien n'aurait été changé. Parce qu'au fond, on a connu son œuvre extraordinaire, prodigieuse, qu'en 1900, quand d'autres botanistes avaient déjà retrouvé ses lois. Et je trouve que quand même, il manquerait quelque chose de magnifique à l'histoire des sciences s'il n'y avait pas ce moine dans son jardin qui révolutionne la biologie. Something hides in every night, brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from our sleep. And as a full star tries its best to make the white pearl shine, glances of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her smile. c'était Tamino qui interprétait Habibi. Les aventuriers sur France Inter. La génétique est la science de l'hérédité dont le père à la fin du 19e siècle est Georges Mandel. Elle permet de mieux comprendre les caractères des êtres vivants. Axel Kahn, généticien. Voilà, on est au début du 20e siècle. La génétique, elle est née. Et le crédit en est reconnu incontestablement à Johann Gregor Mendel. Mais est-ce que cela ne vaut que pour les plantes? Car les trois équipes européennes qui ont redécouvert Johann Mendel étaient également des équipes de botanistes. Eh bien non, en réalité, ça vaut aussi pour les animaux. C'est montré dès 1902 par Lucien Queneau. Ensuite, un Anglais, Batson, va généraliser aux animaux et va inventer le mot de génétique. Et du mot de génétique au mot de gène, il n'y a qu'un pas. Le mot va être inventé, va être proposé, c'est pas une invention, il va être proposé par un Danois, Willem Johansen. Donc vous voyez, les gènes, c'est universel, les lois de Mendel, c'est universel, on parle de gènes, on parle de génotype. Et l'homme alors? Eh bien l'homme aussi. L'homme aussi, et ça c'est un Anglais, Sir Archibald Garrott, qui travaille sur une maladie qui n'est pas vraiment une maladie, qui est une bizarrerie, des personnes dont les urines, après avoir été émises, deviennent noires. Ça s'appelle l'alcaptonurie. Eh ben, Sir Garrott démontre que la transmission de cette maladie récessive, l'alcaptonurie, suit exactement les lois de Mendel. En plus, c'est intéressant, Sir Garrott, parce que c'est dû à un déficit enzymatique. Et donc, c'est la première démonstration que les lois de Mendel valent pour l'homme et la première démonstration qui mènera au concept général, un gène, une enzyme, et quand l'enzyme n'est pas là, une maladie. Maintenant, donc on sait que les lois de génétique valent absolument partout, mais ces particules héréditaires, ces facteurs héréditaires de Mendel, où diable se situent-ils? Une idée qui va émerger rapidement vient de travaux qui datent de la fin du 19e. Walter Fleming a observé dans des cellules qui étaient en train de se diviser des curieux filaments qu'il a appelé des chromatides, et que quelques années après, Waldeyer va appeler des chromosomes, c'est-à-dire qui prennent la couleur de manière très forte. Les Allemands sont très forts à l'époque sur l'usage des colorants. L'industrie chimique allemande est extrêmement forte. Un autre élément qui va être tout à fait considérable vient de Belgique. Vous voyez, la science, vraiment, elle est internationale. Le Belge Van Beneden fait une observation extraordinaire. Il regarde les chromosomes, on les connaît là maintenant. Il regarde les chromosomes de cellules mâles et de cellules femelles, on va dire de spermatozoïdes et d'ovocytes. Depuis les lois de Mendel, et maintenant on sait que tous les caractères sont en double. Les chromosomes sont par paire. Nous autres humains, nous avons 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes. Eh bien, quand on regarde... Donc, deux N chromosomes. Quand on regarde les gamètes, spermatozoïdes et cellules sexuelles femelles, ces gamètes n'ont que N chromosomes. Et lorsque un spermatozoïde va féconder un ovule, N plus N, on rétablit une cellule somatique à deux N chromosomes. Alors, Eureka, l'affaire est dite, naturellement. Et en 1902, donc très tôt, Sultan et Bovary peuvent formuler la théorie chromosomique de l'hérédité. Le comportement des chromosomes est tellement parallèle au comportement des particules héréditaires de Mendel que, évidemment, il porte les caractères, ces facteurs héréditaires de Mendel. Les travaux sur ces chromosomes vont maintenant évoluer très très rapidement. Et le tribut principal, on le doit à un Américain, Thomas Hunt Morgan. Ce qu'il veut faire, lui, c'est faire sur les animaux ce qu'a fait Mendel sur les pois. Et il choisit la mouche du vinaigre, la drosophile. Et il arrive à démontrer où se situent les différents gènes responsables de caractères transmissibles, héréditaires, sur les chromosomes. Il établit la première carte génétique des chromosomes. Mais les chromosomes, qu'est-ce que c'est? J'ai parlé de chromosomes, j'ai pas dit exactement ce que c'est. Lorsque la cellule se divise, je vais aller directement à ce que l'on sait aujourd'hui. le long brin d'ADN se condense, il va se pelotonner sur lui-même, former un filament qui va s'entourer de protéines, de telle sorte que ce matériel génétique ainsi empaqueté puisse se diviser dans les deux cellules filles qui résultent de la première division, de la division cellulaire. Eh bien, cette forme condensée, empaquetée de l'ADN dans cette enveloppe de protéines, ce sont ça, les chromosomes. Nous sommes maintenant, on va dire avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. On connaît les caractères héréditaires, on sait qu'ils sont sur les chromosomes. Ça, c'est vraiment formidable. Et puis, on a même fait des cartes, on sait à quel endroit ces caractères héréditaires, ces gènes de P. Johansen, sont sur les chromosomes. Mais qu'est-ce que c'est? Comme molécule, quoi. C'est pas un facteur métaphysique. Comme molécule, de quelle matière s'agit-il? Il y a deux matières que l'on connaît bien, deux types de matières. La mieux connue sont les protéines, les diastases, on dit à l'époque, les enzymes. Ce sont les matières nobles. Depuis sur Garrote, on sait par exemple que l'absence d'une enzyme fait noircir les urines, c'est l'alcoptonurie. Pendant la guerre, des chercheurs qui travaillent sur une forme de champignon aboutiront à la notion « un gène, une enzyme ». Et donc, on sait que les enzymes, les protéines en général, sont capables de faire des choses tout à fait remarquables. L'expérience extraordinaire, pour moi la plus belle expérience de toute la biologie moléculaire, qui va démontrer quelle est la nature du gène, en l'occurrence que c'est l'ADN, est faite en 1944, et on la doit à Oswald Avery, ainsi qu'à McCarthy, à MacLeod, vous voyez, deux Mac qui travaillent avec lui. On sait depuis une dizaine d'années au moins, que les pneumocoques, vous savez, un agent qui donne la pneumonie, les pneumocoques, quand on les injecte à des souris, les tuent rapidement. Mais il existe des souches avirulentes de pneumocoques. Injectées à la souris, ces souches avirulentes ne font pas de mal à la souris. On a vu quelque chose d'étonnant. Quand on prend des souches virulentes et qu'on les tue en les chauffant, qu'on les mélange avec des souches avirulentes, les souches qui font pas de mal. Eh ben, ce mélange injecté à la souris va la tuer. Ça veut dire que un caractère, la virulence, un gène, quoi, va être transmis du pneumocoque mort au pneumocoque vivant en lui faisant acquérir ce nouveau caractère, devenir virulent. Quelle est la molécule du pneumocoque qui est responsable de ce transfert? Des nucléines ou bien des protéines? Eh bien, Oswald Avery va tester les deux hypothèses. Eureka, le caractère a été transmis par les nucléines, le caractère est un gène, les gènes sont des nucléines, les gènes, c'est l'ADN. C'est la plus belle expérience de l'histoire de la biologie moléculaire. C'est donc Avery qui découvre l'ADN. C'est Avery qui découvre que le gène est fait d'ADN. Le gène est fait d'ADN. Alors, figurez-vous que Avery, qui le mérite mille fois, n'a pas le prix Nobel. Eh ben, la principale raison, c'est que on le croit pas trop. Il y a beaucoup de scepticisme. Et on comprend pas comment ça peut marcher. Et ce qui convaincra totalement le monde entier que c'est vrai, que c'est bien l'ADN, c'est effectivement la découverte de la structure en double hélice de l'ADN par Watson, Crick et Maurice Wilkins et Rosalind Franklin. Ça, c'est une autre histoire, mais elle est très belle aussi. Elle a d'ailleurs été contée avec beaucoup de talent par deux des protagonistes, qui sont Watson, la double hélice, j'en ai préfacé la version française, et un livre de Crick également. On écoute À quoi, Serge? Si tu t'en vas. Si tu t'en vas. Si tu t'en vas un jour, tu m'oublieras. Les paroles d'amour, ça voyage pas. Si tu t'en vas, viendront toujours. si tu t'en vas. Si tu t'en vas un jour, tu oublieras les blessures d'amour ne s'ouvrent pas. Si tu t'en vas, la source sera toujours grossière de fleurs. Les amours noirs par les beaux jours iront toujours. Si tu t'en vas, tu t'en vas. Si tu t'en vas un jour, rappelle-toi les paroles d'amour ne s'envolent pas. Si tu t'en vas, tu t'en vas. Inter. Le 25 avril 1953, deux jeunes chercheurs, Francis Crick et James Watson, publiaient les fruits de leurs recherches dans la revue Nature avec quelques dessins représentant la double hélice de l'ADN. Il aura fallu presque 10 ans pour que la communauté scientifique s'aperçoive de la véritable révolution qu'engendraient les travaux de Watson et Crick. Axel Kahn, généticien. Vous imaginez ? On est donc dans les années 50. Il y a un tout jeune étudiant de 22 ans. C'est James Dewey Watson. Son patron, qui est Salvatore Luria, lui, il a en tête, est-ce que l'ADN ne serait pas le support des gènes? Or, tout le monde sait que celui qui découvrira le gène, le support du gène, eh ben, ça sera le plus célèbre des scientifiques de l'histoire. Le grand physicien de la physique quantique, Erwin Schrödinger, a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?». Et dans ce livre qui a eu un écho considérable, Schrödinger dit « La vie, c'est le gène. » Et celui qui trouvera ce qu'est le gène, eh bien, il aura la clé de la vie. Vous vous rendez compte le défi? Eh bien, Luria a dit au jeune Watson « Mon gars, tu vas là-bas en Europe pour essayer de voir ce que tu peux glaner sur l'ADN, est-ce que Évry pourrait, par hasard, avoir raison et est-ce qu'il ne serait pas réellement le gène? Et c'est ce que fait d'abord Watson. Il va d'abord au Danemark, ça marche pas trop bien. Il va à un endroit qui est prodigieux, extraordinaire, en Angleterre, au Cavendish, à Cambridge. Il y aura 12 prix Nobel en une dizaine d'années. C'est extraordinaire. C'est la liberté de la science, de la créativité, toutes les disciplines. C'est fantastique. C'est la plus belle science qui n'ait jamais été faite au monde. Et là, le gamin, il commence à chercher. Depuis un certain temps, il est extrêmement obnubilé par la structure des macromolécules. Il veut connaître quelle est la forme de l'ADN. Et la meilleure manière de l'obtenir, cela a été démontré par d'autres grands chercheurs, c'est la cristallographie, faire un cristal d'ADN et regarder quelles sont les propriétés de 10 fractions. Et donc, il va voir celui qui travaille sur les cristaux d'ADN, qui s'appelle Maurice Wilkins. Ça n'avance pas trop. Il se met en cheville avec un postdoc, un étudiant postdoctoral attardé, il a déjà 35 ans, esprit brillant, qui n'a pas encore sa thèse par conséquent, qui est Francis Crick. Et tous les deux s'y mettent. Alors, ce qui est fantastique, ça n'a rien à voir avec Évry, c'est que leur travail est totalement théorique. Eux-mêmes ne mènent jamais une seule expérience. Ils glanent. Ce sont des esprits très intelligents, ils demandent des conseils. Et là, ils vont avoir une chance, plus qu'une chance, il faut bien dire, c'est une malhonnêteté. Celle qui travaille sur les cristaux d'ADN chez Maurice Wilkins, c'est une femme extraordinaire, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin souffre beaucoup de la misogynie et aussi de l'antisémitisme ambiant. Elle est un peu frustrée, elle est géniale, elle est extraordinaire. Elle obtient des images de diffraction de cristaux d'ADN tout à fait merveilleux. Mais elle les garde pour elle. Et en réalité, l'information, contre la volonté de Rosalind Franklin, est donnée à Crick et à Watson par leurs supérieurs. On vole les résultats de Rosalind Franklin. Cette image est fantastique. Elle montre que l'ADN est une hélice. Et là, tout s'enchaîne. Des modèles antérieurs montrent leur insuffisance. Et par conséquent, en très peu de temps, se faisant aider, on arrive au modèle. Voilà comment est l'ADN. C'est une double hélice de grands filaments réunis par des barreaux. Ces barreaux, ce sont les bases, suivant une loi de complémentarité. En face des C, il y a des G. En face des G, il y a des C. En face des T, il y a des A. En face des A, il y a des T. Et c'est tellement extraordinaire qu'il publie en 1953 ce résultat et que Crick rajoute dans la correction de l'article une phrase qui doit rester dans l'histoire de la biologie moléculaire. Crick rajoute « Il n'a pas échappé à notre attention que l'appariement spécifique des bases que nous avons postulées suggère immédiatement un possible mécanisme du recopiage du matériel génétique. » Pourquoi dit-il cela? Ben, ça saute aux yeux, je vais vous dire quand même. C'est que lorsque la cellule se divise, ces deux brins d'ADN se dissocient. Les barreaux sont coupés. Mais là où il y a un brin avec un A en face, va se mettre un T. Là où il y a le brin avec un C en face, va se mettre un G, etc., etc. Et vous allez, en peu de temps, avoir deux doubles hélices identiques. Et c'est ça qu'il faut, naturellement, pour expliquer la génétique. Et ce modèle explique que, évidemment, l'ADN est la molécule qu'il faut pour être le support de l'hérédité. À partir de ce moment-là, tout le monde sait que l'ADN, c'est le gène, c'est l'ADN. Dès la découverte de la double hélice, personne ne doute que Watson et Crick auront le prix Nobel. Le 10 décembre 1962, à Stockholm, cinq physiciens et chimistes recevait collectivement dans le Fast et la Pompe le prix Nobel des mains du roi de Suède. Ils s'appellent Crick, Watson, Wilkins, Perutz, Kendrew. Trois de ces chimistes et physiciens recevaient non pas un prix de chimie ou de physique, comme il serait logique de le penser, mais de médecine. Objet de leurs travaux, la structure du DNA. Mais quel rapport y a-t-il donc entre la physique, la chimie et la vie? La prédiction de Schrödinger, le gène, c'est l'essence, c'est la clé de la vie. C'est dans les années 60 que les scientifiques commencent à s'emparer de la génétique. On en attend toujours beaucoup dans le domaine de la santé, notamment. On retrouvera Axel Kahn demain. Nos gènes, les gènes humains, nous déterminent. Mais ils nous déterminent aussi et surtout à pouvoir être libre. Les aventuriers se déclinent en livres. Vous pouvez retrouver les chercheurs de cette série dans un ouvrage paru chez Flammarion, Les grandes épopées qui ont fait la science. C'est une coédition France Inter. Sachez aussi que tous les aventuriers de cette saison estivale sont déjà à votre disposition sur le site de France Inter pour que vous puissiez les emporter en vacances. Clément Baudet réalise Les Aventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission. À la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son Pierre-Yves Derolin et Vincent Godard. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. À demain.